Fais par moi, crée par moi, tout par moi, achète-moi un. Ciblez tous ces fils de chats qui n'ont jamais cru en nous. Ciblez tous ces fils de chats qui n'ont jamais cru en vous. Ciblez tous ces vauriens qui ne croient toujours pas en nous. Si t'es de ces gens-là, mais juste dis-moi, mais pourquoi tu m'écoutes? Elle a cigleré, cette pute m'a mis un pouce rouge. Elle a cigleré, cette pute limite tout ce qu'on bouffe. Je me suis régalé quand elle m'a fait un couscous. Et pour pouvoir le faire, j'ai pas attendu qu'on se couche. Et pour pouvoir le faire, j'ai pas attendu qu'on se douche. Et pour pouvoir le faire, j'ai pas attendu qu'on se stresse. Et pour pouvoir le faire, j'ai pas attendu qu'on se douche. Et pour pouvoir le faire, j'ai pas attendu qu'on se connaisse. Sale noire, élu pour l'interne, venant de l'externe. Pâle comme un soir, venant de la terre. Monastère, mon histoire, mieux vaut se taire ou mieux vaut croire. J'ai de la monnaie à faire dans le noir. Allez, ciao, au revoir. Fais des vues, mais les vues ne font pas le contenu. Quand j'ai vu le que tu, je me suis dit putain c'est nul. Incrédule et pas crédible, la zikmu c'est pas facile. Ce n'est pas juste de trois rimes qu'il aurait cru imbécile. Putain c'est la merde, tu as découvert dès le début de chaque mois. Comme toutes les meufs, je suis en zone rouge à chaque mois. Je ne suis moi-même depuis mes 7 ans, je suis ma musique donc achète-moi. Je veux du vrai donc prends ta musique et casse-toi. Trop vulgaire pour la radio donc il ne me passe pas. Je m'endors dans les ténèbres, mes démons me parlent la nuit. J'ai le symptôme d'un schizophrène qui ne s'entend pas bien avec lui.